Bonjour et bienvenue dans ce premier module sur les suites numériques. Je suis votre professeur et nous allons explorer ensemble les bases des suites numériques. Ce module durera entre 5 et 8 minutes. Nous découvrirons une définition clé, deux exemples concrets, la notation mathématique, nous verrons quatre graphiques illustratifs et vous participerez à trois quiz interactifs pour vérifier votre compréhension. Commençons dès maintenant.